notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne te révolte pas contre Dieu parce que tu n'as pas vu l'accomplissement d'une promesse. Écoute-moi bien. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut tester ton obéissance. Je vais te dire qu'au temps opportun, tu seras surpris par ce que l'Éternel fera dans ta vie. Marche dans l'obéissance, ne retourne pas dans le monde et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 3, versets 13 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 3, 13 à 18. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques auquel il donna le nom de Boanerges qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières. Voici la première vérité. Nous devons avoir l'habitude de monter sur la montagne, surtout lorsque nous servons le Seigneur dans un ministère quelconque. Jésus avait l'habitude de monter sur la montagne. Vous savez, monter sur la montagne, c'est synonyme d'entrer dans la présence divine, dans la prière. Et parfois, s'il faut accompagner du jeûne, monter sur la montagne. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir un ministère qui a de l'impact si tu n'apprends pas à monter sur la montagne. C'est-à-dire qu'il faut être équilibré. À un moment donné, tu peux prêcher l'évangile, tu peux faire beaucoup d'autres choses, tu exhortes les gens, si tu es pasteur, si tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu, mais tu dois apprendre à monter sur la montagne. Oui, regardez, même dans l'Ancien Testament, des grands hommes comme Moïse étaient des gens qui montaient sur la montagne pour rencontrer Dieu. Il y a des moments où il partait seul. Il y a des moments où il était accompagné par Josué. C'est là où il faisait les tête-à-tête pour recevoir les instructions divines, pour puiser la force divine pour le ministère auquel Dieu l'a appelé. Regardez, il est dit au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Vous voyez, c'est une suite de ce que nous avons vu hier. C'est-à-dire, après avoir prêché, après avoir guéri les malades, après avoir chassé les démons, donc c'est comme si quelqu'un sentait qu'il était un peu dégonflé. Il avait besoin de monter sur la montagne pour se ressourcer. Je vais dire à un jeune pasteur, écoute-moi bien, il ne faut pas remplir ta semaine avec des prédications, des enseignements par-ci, par-là. Tu vas ici, tu vas prêcher là-bas, tu vas faire des délivrances ici. Mais il faut que tu sois équilibré, que tu apprennes à monter sur la montagne pour te ressourcer davantage. Vous voyez? On dit, il monta ensuite. C'est-à-dire, après avoir exercé ce grand ministère où la puissance, l'onction se manifestait, il monta ensuite pour rencontrer Dieu, pour se ressourcer. C'est quelque chose qui est important. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Il y a des moments difficiles que tu traverses. Tu ne comprends même plus quelque chose sur ce qui se passe sur ta vie. Tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie. Tu as des blocages, des problèmes. Monte sur la montagne. Vous voyez? Après avoir, par exemple, fait un voyage, tu as fait un voyage d'affaires. Ce voyage était un voyage difficile. tous tes fournisseurs là, ils n'ont même pas accompli tout ce qu'ils t'ont promis. Tu as vu des choses compliquées, il y a même quelqu'un qui a failli t'escroquer. Après un tel voyage, après une telle mission, il faut que tu montes sur la montagne. Peut-être pour demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement ça vaut la peine que tu continues avec ce fournisseur là, avec ce client là, vous voyez? Monter sur la montagne. Deuxième vérité, nous devons apprendre à choisir des personnes qu'il faut pour nous accompagner dans notre ministère, dans notre travail, dans notre business, dans tout ce que nous faisons. Le principe de sélection est important. Jésus a prêché la parole à des foules, des centaines, des milliers peut-être. Mais il fallait qu'il puisse choisir 12 personnes qui devraient être avec lui, à qui il devrait communiquer la vision, des gens qui devraient saisir sa vision, les gens qui devraient l'accompagner dans cette vision, vous voyez? Donc nous devons apprendre à choisir 2 personnes. Oui, la stabilité d'un ministère, la stabilité d'un mouvement dépend des personnes que l'on choisit dès le départ. Vous voyez, il est dit ici au verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Vous voyez, c'est de manière implicite, on parle ici de la sélection. Ce qu'il voulut, c'est qu'il a sélectionné certaines personnes selon la direction divine. Et c'est tout à fait normal. C'est après avoir monté sur la montagne que le Seigneur peut te donner des orientations pour savoir qui il faut choisir. Je vais parler à un pasteur. Écoute-moi bien. Tu veux former le conseil de l'Église. Mon ami, ne te base pas seulement sur les critères financiers. Méfie-toi. Il y a une femme là qui te parle toujours et dit voilà, elle va t'acheter une voiture, elle va t'acheter terrain. Mais tu dois d'abord vérifier sa vie spirituelle. Ne te laisse pas fasciner par le bien qu'elle te donne. Il y a des critères dans la Bible pour choisir des responsables. Vous voyez, dans 1 Timothée chapitre 3, ainsi de suite. Vous voyez, il faut prendre des personnes que le Seigneur lui-même te convainc de prendre, de choisir. Des gens qui ont la même vision, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui ont un bon témoignage. Vous voyez, Jésus a choisi des personnes. Cela ne veut pas dire que ce sont des gens parfaits, non. Mais ce sont des gens qui ont un certain potentiel, qui ont une certaine vision, qui pouvaient capter la vision du maître et la répercuter. Donc, ça c'est important. Nous devons apprendre à choisir des personnes réellement pour nous accompagner. Il ne faut pas prendre n'importe qui dans tout ce que tu veux faire. Troisième vérité concerne le but du ministère de discipulat. Vous voyez, Jésus est pour nous l'exemple de la formation du disciple. Lorsque nous voulons former des disciples, qu'est-ce que nous visons? Donc ici, il y a 2 choses ici. Il est dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Premièrement, dans la formation des disciples, c'est avoir des gens avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie passer du temps avec eux, les édifier, les encadrer, les former. C'est ça, ce que ça implique, l'expression « les avoir avec eux ». C'est important. Il ne faut pas être pressé. Il y a des gens qui sont pressés de commencer à les prêcher, de commencer à faire le ministère. La première chose, il faut s'asseoir au pied d'un maître. Je vais parler à un jeune. Tu as vu des visions, vous dites que tu seras un grand évangéliste. C'est bien, mais écoute-moi bien. Il ne faut pas être pressé. Apprends au pied d'un maître. Ça, c'est important. Vous voyez, on dit, il est choisi pour les avoir avec lui. C'est-à-dire être d'abord dans sa présence. C'est la première chose. La première chose, ce n'est pas de commencer à être actif, faire ceci, faire cela. Il les a choisis pour les avoir avec lui. C'est ça, s'asseoir, les enseigner. C'est ce que Jésus a commencé à faire. Il fallait les former, il fallait les enseigner. Regardez, ils ont passé combien de temps? Ils ont passé 3 ans au pied du maître. Je vais parler à quelqu'un, toi qui es négatif à la formation, tu dis non, l'onction suffit. Mon ami, tu te trompes. Même si au temps de Jésus, il n'y avait pas des écoles classiques aujourd'hui qu'on appelle institut biblique et faculté de théologie, mais c'était une école 3 ans avant de les envoyer. C'est ça. La formation est importante. Tu dois éviter des hérésies. Hein, mon ami, toi tout le temps, tout ce que tu fais, c'est Dieu m'a révélé. La Bible, tu ne connais même pas bien, tu interprètes la Bible à tort et à travers. Or, c'est dans la formation où tu peux apprendre des principes de base, d'herméneutique, d'interprétation de la Bible, le contexte historique, tout ça, ça aide. Au lieu tout le temps de dire, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Parfois, des choses que Dieu même te révèle, c'est contraire à la Bible, mon ami. Accepte de te faire former et tu verras que ton ministère sera équilibré. Le deuxième élément dans la formation des disciples, c'est maintenant d'envoyer des personnes. Vous voyez, c'est une conséquence logique. Si dans un premier temps, j'ai passé du temps, j'ai encadré, j'ai formé des gens, et maintenant qu'ils sont équipés, ils sont outillés, je peux les envoyer sur le terrain. Pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. Ça, c'est important. Dans une église, dans une communauté où le pasteur a cette vision de former des gens et puis de les envoyer. Notre but, ce n'est pas seulement d'avoir une communauté, une église. Oui, on va dire, oui, c'est une grande église. Non, il faut qu'à un moment donné, les gens apprennent à aller dans le monde. Parce que la Bible dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. L'ordre suprême a été donné à tous. À tous les chrétiens, allez, faites de toutes les nations disciples. C'est-à-dire, une fois que j'ai formé un disciple, il faut que je l'apprenne aussi à aller pour prêcher l'évangile, pour gagner d'autres personnes. C'est ça notre mission, vous voyez. Jésus a montré clairement qu'il les a appelés, c'est pour une mission. D'abord, un, pour les avoir avec lui, et puis maintenant, les envoyer. C'était ça la mission. Et ici, on précise les noms de ces 12-là. Il dit Simon, qui nomma Pierre, Jacques, fille de Zébédée, Jean, frère de Jacques, au qui donna le nom de Boanerges, qui signifie fille du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fille d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Est souverain. de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau. Gloire au Seigneur, bénissons le nom de Jésus, bénissons le nom de celui qui nous a appelés pour nous avoir avec lui et pour nous envoyer aussi dans le monde. Élevons nos voix. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Amen. Nous sommes à l'émission OSP, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 3, 13 à 18. Oui, cette émission sera rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que dans ce passage, nous devons avoir l'habitude de monter sur la montagne pour recevoir des instructions divines, pour nous ressourcer dans la présence divine, pour le travail que nous faisons, pour le ministère que nous faisons. Peut-être que toi qui m'entends, tu te sens déjà épuisé. Tu n'arrives même plus à avoir des messages. Tu n'arrives même plus à avoir des orientations pour le travail que tu fais. Prie le Seigneur pour qu'il te dispose d'un temps pour monter sous la montagne. Que le Seigneur puisse te ressourcer encore au nom de Jésus. Peut-être que dans ton emploi du temps, tu n'arrives même pas à t'organiser. Prie le Seigneur pour qu'il te donne de t'organiser afin que tu puisses dégager du temps pour monter sous la montagne. Prie le Seigneur. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Père éternel, nous te louons ce matin. Notre âme te loue. Et nous te louerons tant que nous vivrons. Nous célébrerons ton nom, ô Père éternel, tant que nous existerons. Car il est beau de célébrer ton nom. Il est doux, il est bienséant de te louer, Père éternel, parce que nous sommes des enfants reconnaissants. Reconnaissants pour tous tes bienfaits. Lorsque nous nous sommes couchés hier, nous n'avions pas l'assurance de nous réveiller ce matin. Mais tu as été avec nous comme tu le fais toujours. Tu as veillé sur nous. Tu nous as donné du sommeil et tu as fait en sorte que nous puissions nous réveiller ce matin avec joie pour invoquer ton saint nom. Nous prions au Père éternel et nous demandons à ce que tu puisse nous donner toujours cette opportunité à te louer, à te glorifier. Nous prions au Père éternel et nous demandons que par ton Esprit Saint, nous puissions trouver du temps pour te louer. Donne-nous cette aptitude, donne-nous au Père éternel cette habileté à organiser notre emploi du temps, à organiser nos activités pour pouvoir consacrer du temps pour toi seul, pour pouvoir invoquer ton nom, afin que nous puissions nous retirer dans des lieux silencieux, dans des lieux calmes, et invoquer ton nom, te louer en toute sérénité. Parce que ton nom est une tour forte, le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Nous prions contre toute forme de dispersion, nous prions contre toute forme de désordre, et nous demandons que l'esprit d'organisation, l'esprit de sérénité soit sois toujours en nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de la sélection. Que ce soit dans le cadre du ministère, que ce soit dans le cadre du travail. Tu es chef d'entreprise, tu dois apprendre à sélectionner des personnes à qui tu vas transmettre la vision. Oui, tu vas prier le Seigneur. Que Dieu te donne des personnes qu'il faut pour ton travail, pour ton business, pour ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Nous te remercions ce matin pour cette parole. Savoir choisir des hommes à qui il faut communiquer notre vision, qui vont nous entourer, qui vont nous accompagner, s'il en faut, qui vont nous succéder, comme l'a fait Jésus-Christ. Au milieu de ses 12 disciples, il y avait 3 avec qui il est beaucoup attaché. Moïse avec Aaron, Moïse avec Josué, Paul avec Timothée et les autres. Nous te prions ce matin que cette vision soit communiquée à tes serviteurs et servantes. Seigneur, qu'ils aient cette vision-là pour savoir choisir, pour savoir détecter notre Dieu, notre Père, ces personnes à qui communiquer notre vision. S'il en faut pour nous remplacer, nous te prions ce matin que cet esprit d'égoïsme, d'avarice soit chassé du milieu de nous, à voir notre Dieu, notre Père, la générosité, la vision. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous sommes nés pour partir, nous sommes des voyageurs sur cette terre, à savoir notre Dieu un jour, tu vas nous rappeler et l'œuvre doit continuer. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié parce que tu nous communiques la vision. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir le but de la formation des disciples. Jésus a choisi les disciples pour les avoir avec lui. C'est-à-dire pour les former, pour les édifier, pour les équiper. Et puis deuxièmement, pour les envoyer. Toi aussi, tu vas prier le Seigneur. Si tu es un homme de Dieu, tu vas prier pour que Dieu te donne l'occasion d'exercer ces deux choses. De former des gens et puis de les envoyer. Si toi-même tu n'es pas encore formé, tu vas prier le Seigneur pour dire: Seigneur, aide-moi vraiment à trouver un maître auprès de qui je peux être formé, être encadré, ou bien une école biblique, un institut biblique, pour que je sois équipé, pour que je puisse maintenant aller dans le monde, pour que je puisse exercer le ministère. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Sois béni, sois magnifié. Au nom de Jésus ce matin, nous venons à tes pieds parce que tu es le meilleur formateur, Saint-Esprit. Merci parce que nous avons besoin d'être qualifiés. Nous avons besoin de la connaissance, de la compréhension. Nous avons besoin de la formation. C'est pour cela que je te prie de nous orienter vers des pères, des personnes ressources qui vont nous donner l'information nécessaire. Merci de nous localiser ces hommes. Béni sois-tu parce que nous aussi, à quelque niveau que ce soit, tu nous permets d'être des hommes qui sont des sources d'avancement surnaturel, qui sont des sources d'élargissement spirituel, qui sont des sources de changement surnaturel. Père, je te prie de nous aider à communiquer ce que tu as mis en nous, à rendre, à nous dupliquer, à nous répliquer, à nous multiplier, afin qu'en voyant nos filles, en voyant nos fils spirituels, nous pouvons dire que tu es le Dieu qui agit. Merci, Saint-Esprit, de bénir la vie de quelqu'un. Merci d'orienter une sœur vers son père et que ce père, oui, lui donne des conseils avisés spirituels pour son avancement. Merci, Saint-Esprit, de bénir la vie de quelqu'un. Merci de visiter quelqu'un. Merci d'ouvrir des portes de quelqu'un parce que nous nous humilions pour la formation. Nous nous humilions pour être formés. Nous nous humilions devant les pères. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur, grandeur, magnificence te soit rendu. Toi qui es le Dieu de toute connaissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous rappelons que demain, dimanche, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal, où nous allons clôturer notre grand thème « Comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage ?» Oui, il faut venir à cet enseignement. Et nous allons prier particulièrement pour tous ceux dont les fiançailles sont bloquées, dont tous ceux qui sentent qu'ils sont bloqués dans le domaine de mariage. Tout est bloqué. Nous allons prier pour déclarer le brisement des chaînes et des liens qui t'empêchent d'entrer. Au nom de Jésus, ne rate pas. Ce sera au CPE à partir de 17h. L'entrée est libre. Au revoir. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.